ça va hurler parce que là maintenant on est en train de se foutre de ma gueule à moi aussi, en plus de Gérard. Il y a un truc qui s'appelle Pokémax. Oh là là. Alors, il y a des jeux, des trucs, on peut gagner 2000 euros, enfin bon, n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils vont se faire de l'argent sur mon dos. Donc, je vais le lire tout à l'heure. Et il y a un autre, donc, la même personne qui s'amuse à faire ça, donc le FG Core et le Wonder L avec les logos de Fun Radio. FG Core, catalogue officiel, FG Core, rentrée 2000. Gérard, dis-le, moi, je vais lire le mien, mon document, et ça va servir de document de preuve. Alors là, je peux vous assurer que celui qui a écrit ça, ça va chier. Écoutez. Ah, vas-y, Lille qui est en premier. Alors, grâce au Pokémax, les jeunes auditeurs apprendront tous à s'amuser et à se faire plein de cadeaux pour la rentrée. Effectivement, il y aura des boosters, des paquets de cigarettes, ainsi que des euros à 150 francs l'euro, plus des jeux de cartes Pokémon à 150 000 euros, ainsi que 100 euros gagnants standard. Eh bien, moi. La règle du jeu, écoutez bien, toute personne qui appelle ayant raccroché deux fois par manière consécutive de deux personnes assemblées, se verront offrir automatiquement un paquebot emballé pour deux personnes, instinctivement diffusé après orientation. Veuillez vous adresser à y est l'adresse de Fun Radio. Voilà. Et derrière, t'as encore autre chose. Alors, chaque joueur propose à la table de 5 cartes Pokémon au standard d'une évolution permanente, restant après le retrait des points de vie Pokémon à une valeur absolue par X au carré de la racine de cheveux. Le total divisé en cartes de chaque 97 de neurones en lisant les règles divise les ingrédients de factoriser expliqués au plus haut. D'accord, ok. Bah ça, je le garde comme preuve. Par contre, c'est vrai que la règle est simple. C'est limpide. Alors, l'autre... Alors là, écoutez bien. Donc, c'est le catalogue... Non, mais lis-le, vas-y. Catalogue FG Core, mais de toute manière, la première partie, je ne la lirai pas parce que c'est en anglais. J'y comprends que dalle. Non, mais c'est pas grave, lis-le quand même. Donc deuxième partie. Non, pas ma première partie. Lila, quand même. Moi, c'est marqué déjà GG d'Agostino, les zoolophiles du 15e break. C'est pas donc, de l'anglais, ça. Non, c'est pas de l'anglais, mais vous savez très bien qui c'est, d'accord. Alors foutez-vous pas de ma gueule. Ok, toi t'éteins ton micro quand je parle parce que ça te regarde pas. C'est pas toi qui le concernais. Donc après GG avec George Michael Fun Me Off Before You Go. Donc ouais ben je t'ai dit de fermer ta gueule, ok. Oui, là, c'est... On se demande si c'est pas toi qui est en train de faire des petites saloperies derrière mon dos. Non, parce que j'ai les mêmes, regarde. Hein? Parce que c'est bizarre ces histoires. Mais non. Ah, parce que c'est bizarre, il y a une semaine. Quoi, ça pue et dans ce cas-là, tu dégages, tu vas à Avenue de Bagram là dans ton McDo. Ok, alors tu me casses pas les couilles. Lis la suite du catalogue. Hein? Si c'est en anglais, laisse tomber, si on passe à autre chose. Alors, les films. Alors, Pitbull Mystère et l'alcoolo enragé. Donc, apparemment, ils veulent parler de moi avec Sandy. Ah bon? Pitbull Mystère, contre-attaque. Donc, apparemment, vous voulez parler de Sandy qui s'amuse à ça. Qui attaque. Hein? Pitbull Mystère dans le break du 15e. Donc, vous voulez parler d'Henri. Alors, maintenant, ça commence à me casser les couilles avec le 15e, ok. Claire net et précis. Claire note. Oh, il se passe un truc là. Ah, il vient de voir sa jambe passer toute seule, GG, et il est pas content. On est attaqué dans le studio. Oula. Il va s'en servir comme du bat de baseball sur Marc et Marco. Il y a Marc et Marco qui travaillent sur Fun et qui ont ramené la jambe en bois qui servait à l'époque à Gérard de courir. Et malheureusement, ils l'ont voulu ramener dans les studios. L'autre il s'est mis à courir. Gérard, ils sont cons, putain, ils font chier. Ah, c'est clair. L'autre s'il veut rentrer, il se démerdera, il a plus de carte. Ah. Comment ça, il n'y a plus de carte? Carte quoi? Carte orange. Il n'y a plus qu'une carte orange à quelqu'un. C'est bon, tu peux coller ta photo dessus, c'est déjà ça de gagner. Donc. Alors, relis tout. Alors, Pitbull Mister et l'alcoolo enragé. Donc, ils veulent parler de moi. Pitbull Mister contre-attaque. Donc, ils veulent parler de Sandy. Pitbull Mister dans le break du 15e. Donc, ils veulent parler d'Henri. Et donc, ça commence à me casser les couilles. L'amour du clito risque. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire. Documentaire en visite des trous noirs du tonneau de guerre, la vie sexuelle des pitbulls. Donc vous voulez parler de Sandy, donc c'est bien. D'ailleurs, on va essayer de savoir qui c'est qui fait ça parce que les feuilles c'est pas des photocopies. C'est la première partie. C'est des originaux. C'est voir la première partie, fais voir. Ouais, je crois qu'il y a un GG Presley ou un truc. Alors moi je vais vous lire GG d'Agostino. Alors les zoophiles du 15e break. GG et George Michael. Fuck me off before you go. Non mais ça, de toute manière, c'en est un qui s'amuse à jouer avec. Donc s'il s'amuse avec comme ça, ben ça va aller vite. Hein. Pour le 21, on va voir si on fait quelque chose. Hein. Parce que moi, pour l'instant, tant que ça s'arrêtera pas, je ne continuerai pas. Là, ça me fait rire tellement que le mec, il va être mal si je le chope. GG Presley, avec Love Me Thunder, Love Me True. Non, mais ça vous fait rire, mais. Tant qu'on s'attaque pas à votre vie privée, vous en avez rien à foutre. Moi, c'est parce mais que ça m'énerve privée, que je rigole. La vie privée des autres, ça, vous en avez rien à foutre. La vôtre, vous en avez, vous, ça vous fait rien, mais tant que c'est sur moi, vous, vous, non, vous en lavez les mains. Vous en lavez les mains. Gégéto, ça va. Attention. Gégéto, qui est pas beau. Timothy Foucault. Oh là, chaud. C'est du zouk, ça. Alors, Laurent Graphique de Garnier, 209 flics babouches. Non, mais hey, je te préviens. De quoi, de quoi? Non, non, mais hey, je te préviens, Max, tu rigoles. Attends, mais je rigole parce non, que non, ça mais va... hey, je te préviens, s'ils parlent de Garnier, à mon avis, ils veulent parler de Laurent Garnier. Non, oh. Shampoing. Non, non, mais ouais, mais fais gaffe, quoi. Fais gaffe parce que je me demande si c'est pas vous qui essayez de faire non, des conneries derrière crois, mon dos. Il y a marqué Laurent Graphique de Garnier. Ouais, non, mais attends. De Big Babouche. Eh, soi-disant que ça aurait été envoyé, comme par hasard, on n'a pas les enveloppes. On n'a pas d'enveloppe pour savoir d'où ça vient. C'est Dalida, nous, Dalida. Non, non. Attendez, attendez, parce que là, ça va loin. Dalida, là, dire la dada. Oh là là. Gégé l'amouroso. La chanson qui te donne envie. Et de gratter la mandoline. Alors, vilaine fermière. Sodomatique-moi. Math GG 16-0-0-64. MGG, le complexe de la corne flash. Flasque, pardon. Mais donc, effectivement. Les documentaires aussi. Alors, tiens, bah, alors là, putain, le mec, il va aller loin. Il est mal, il est mal. Mais les documents, je viens de les lire. Ah, relis les documentaires, là, en bas. Donc, alors, c'est la visite du trou noir d'un tonneau de bière, la vie sexuelle des pitbulls. La cure de désintoxication des putois alcooliques avec une jambe de bois. Alors là, toi, espèce de gros porc, tu ferais mieux de fermer ta grande gueule. Ouais, ça vaudra mieux. Je n'ai point ri. Hein? Parce que ça, c'en est qui se sont amusés ici parce que c'est pas du courrier envoyé, c'est du courrier. Ici. Bah, attends, mais c'est pas du courrier envoyé. C'est du courrier. C'est du courrier fait ici et qu'ils ont changé les logos. Je suis désolé, c'est pas du courrier envoyé. Bon. Il y a un bulletin trimestriel également, non Gérard, adresse Pont-sur-Aisne, terminal 2. Quand t'étais en terminal, toi? Non, c'est la rame du bus. Parce que t'étais en terminal 2 et nombre d'absences 365 jours, ça paraît beaucoup quand même dans une année. Alors, tu me dis si c'est vrai ou pas. Alors, c'est sur 20 les notes. Mathématiques, 3,14. Alors après, il y a les beaucoup, hein. Appréciations du professeur, problème de conversation. Français 7 sur 20, élocution apocalyptique, géographie et histoire 2 sur 20, concept de l'Europe mal acquis, anglais 1 sur 20, parle anglais comme une vache. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Je sais pas, il pète les plombs, tu vas mordre. Il arrive pas à ouvrir la porte. Putain. Oh, tu t'annonces, toi! Tu t'annonces, David Pay! Putain! Eh, tu t'annonces! Ah, moi, je te. Et tout ça, je t'attrape, je te dépasse! Extraordinaire qui est visuel. Pour accéder au studio, il y a deux portes sas et il y en a une qui était fermée, il y en avait un qui tenait la porte de l'autre côté et Gérard tapait dedans alors que c'était quadruple vitrage. Et on l'a écouté. T'as compris quoi? Si tu veux ta carte orange, tu viendras me voir. Fais voir si c'est sa carte orange. Fais voir. De toute façon, il s'en fout, il rentre jamais chez lui. Il dort à la radio. Pourquoi là, tu vas retirer ce que t'as planqué? D'accord, rien pour tu la retires parce que t'as planqué tout de suite. Va chercher la jambe tout de suite. Va chercher la jambe. T'as été planqué là derrière. Rien. Allez. Je dis t'arrêtes tes conneries maintenant parce que tu vas pas jouer avec moi. Relue la carte, mais t'inquiète pas. Ok. Ouais. Gérard. Tu vas penser que tu vas pas jouer comme ça avec moi. Ok, Gérard. Voilà. Donc, faut que ça se mette. Tu m'as bien fait rire. On est bien d'accord. Mais là, on a pleuré de rire tous les quatre, là. Gérard en train d'essayer d'ouvrir la porte, en train d'hurler alors qu'il y a un quadruple vitrage en train de shooter dedans. Mais c'est normal, putain, vous faites chier aussi. Non, mais moi, de toute manière, le 21 se précise, il n'y aura rien. Terminé. Hop, basta. Comme ça, tu t'en branleras après ton équipe de naze. D'accord. C'est de votre faute. Non, c'est pas de ta faute. Alors, bon, vous n'êtes pas capable de savoir qui c'est qui dépose ça à l'entrée. Ça, on va le savoir, parce que ça, on va mener une enquête, ça c'est clair. Mais ça, c'est quelqu'un qui dépose.